Appels locaux illimités de la maison. Ajoutez-le à n'importe quel forfait pour $15 par mois. Fido Uno. Une autre raison pour laquelle nous sommes le service sans fil le plus apprécié. Visitez un magasin Fido ou Fido.ca pour tous les détails. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Attention, attention, un écoulement incontrôlé de matière spéciale nous oblige à mettre le secteur Alpha-Gamma en quarantaine. Attention, attention, la population civile doit immédiatement évacuer le secteur Alpha-Gamma. Un écoulement abondant de matière spéciale nous force à évacuer le secteur Alpha-Gamma. Attention, attention. J'appelle le professeur Sommerstein. Me recevez-vous, professeur? Il y a urgence dans le secteur Alpha-Gamma. Un écoulement abondant et incontrôlé de matière spéciale requiert votre attention. Professeur Sommerstein, me recevez-vous? Un écoulement abondant de matière spéciale dans le secteur Alpha-Gamma requiert vos soins spécialisés. Professeur Sommerstein, j'appelle le professeur Sommerstein. Me recevez-vous, Sommerstein? Il y a urgence. Un écoulement abondant et incontrôlé de matière spéciale requiert votre attention de toute urgence. Attention, attention. Un écoulement incontrôlé de matière spéciale nous oblige à mettre le secteur Alpha-Gamma en quarantaine. Attention, attention. La population civile doit immédiatement... Oh! Attention, attention. Le professeur Sommerstein est en chemin. Il n'y a pas lieu de paniquer. L'écoulement de matière spéciale dans le secteur Alpha-Gamma ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Merci, professeur Sommerstein. Vous n'avez pas usurpé votre réputation de spécialiste mondial en écoulement de matière spéciale. À suivre. Gluant sympa attaché un grand rêve aux arts. Aucun doute, c'est un buteur qui me fait claquer les dents. Je ne sais pas, il est quelle couleur, il sent seulement la noirceur. Il veut ma peau, j'ai bien peur, c'est que les morts n'ont pas de cœur. Les légumes sur le bord de la bouche, des yeux de lézard, il a l'air farouche. Entouré d'une famille de mouches, il manne une odeur de manouche. Oh, un monstre dans tout mon lit, c'est dans ma chambre qu'il se vit, aussitôt que sonne minuit. Tout mon lit, des corbeaux dans le lavabo, un parfumique, je suis beau. Il t'a paru comme une abeille qui se serait glissée dans mon oreille. Il sacrerait son cœur si seulement d'arrêter de mettre tes doigts là. Pourquoi pas lui qui s'est vu noir au gros de lit? J'ai rien de spécial, je te gars banal, mais chaque nuit vient venir chez mes gales. Autour de lit, il est dégueulasse, plein de cochonneries prennent toute la place. Mon don, moi, c'est photo de grignasse. Le jour bouquin, quelle terreur, quel orage, cerné de squelette et de malheur. J'ai la soif qui coule dans le dos quand je suis équipé d'eau. Je paranoïe puis je m'abstine comme un flashback de mescaline. On se créerait assez de justice dans les loups, les petits baringouines. De plus en plus, je perds la tête, je me transforme en l'une de ces bêtes. De Simon Pritch. Yeah! Ooh, yeah! Oh yeah! Complet à part de ça. Simon Préjean, bonjour. Bonjour. On a aussi Dominique représentant. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis on a Frédéric Etterling. Salut les gars. Et voilà, il est là au complet. c'est une émission de 70%. Il n'y a pas Israël, il n'y a pas Bruno, on n'a pas de nouvelles, mais on a quand même trouvé des choses différentes et des questions bizarres à poser à deux invités compétents et, comment dire, aux champs d'intérêt variés. On a bien sûr la trame sonore de fond, là, ça va être Super Mario Bros. 2. Je l'aime. Excellent c'est choix. Ah, excellent ouais, c'est choix. Une excellente trame sonore. Sinon, ben, on va commencer l'entrevue tout de suite. Là. Vous vous sentez à l'aise, hein? Vous posez des questions, parce que d'habitude, on est trois à poser des questions. Fait que si c'est tout le temps juste moi qui parle, ben c'est ça. Ça ben, écoute, quand je suis les mains dans le falzar comme le matin, c'est que je me sens à l'aise. Et voilà. Tout est cool. Ben, finalement, on peut tout enlever nos culottes. Ben, bon, c'est ça. Ouais, je pense c'est très bon. Ouais, mettez-vous ben, à l'aise. On a Fanny aussi là-bas. Je n'ai pas présenté Fanny. Il y a Fanny. Mademoiselle Fanny. Mademoiselle. Miss Fanny. Miss Fanny. Et voilà, vous vous en voulez de pas avoir la couleur quand t'es en studio. Cela oui. dit, sinon Frédéric Etterling, journaliste, comédien, acteur, compositeur, chanteur et papa. Et papa. Et papa. Outre oui. le dernier chapeau là, c'est lequel que t'aimes le plus porter? Papa. Non, mais outre le dernier c'était papa. Ah t'appelais ça un chapeau toi. Mon fils s'appelle Louis. écoute, tu sais quoi, je sais pas. Ah ouais? Tout. Moi je touche à tout. Chaque jour à son aise, un petit truc nouveau. À peu près tout ce que t'as dit, je le fais pas, et je fais à peu près tout le reste. Parce qu'on a déjà goûté à ça. Voilà. Ben, voilà. Exact. Simon Prêtre aussi, c'est pas mal la même affaire, hein. Moi, je suis un drogué de touche à tout aussi, là. Tout ce qui est audio, vidéo, là. Moi, ah oui, moi aussi, je me drogue. Passer. Moi, je suis sur la coke tout le temps. C'est pas ça que tu voulais dire? Ah non, c'est non, pas la moi, c'est. Moi, je suis sur la Ajax. ça coûte moins cher. C'est bien meilleur. En effet, en effet. Ah, sinon, ben, c'est ça, parce que Frédéric Etterling, c'est quand même une personnalité connue. Là, de, je veux dire, jadis, t'as déjà fait pour la Belgique représenter tes concitoyens dans une compétition qui est très peu connue au Québec, mais qui est quand même... je veux dire, c'est très prestigieux. C'était l'époque où j'avais des cheveux, et exactement. C'était l'Eurovision. Et l'Eurovision, c'est chaque pays d'Europe envoie son représentant numéro un vendeur de l'année à aller chanter une quétainerie dans un pays qui est le dernier pays qui a gagné. Et t'as quand même 600 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Et puis, ça te fait un gros, gros décollage. Puis quand tu reviens dans ton pays le lendemain, ça t'a changé un peu la vie. Ah, sûrement. C'est chouette. Ça t'est arrivé, t'avais quel âge? J'avais quel âge? J'avais 26 ans. C'était en 95. Et je préfère dire en 95 parce que je suis belge et j'aime bien le rappeler. Hein. On est bien d'accord. Et, on est un belge. On est un belge, ouais. Okay. Et pour encore 55 minutes, attention messieurs, ça va chier. Et donc super, c'était un super moment pour moi dans ma vie parce que enfin ça me l'a aussi bien bousillé parce qu'après ça, moi j'avais fait un album blues rock en anglais en français. Je suis arrivé avec une chanson d'Eurovision. Après, ils m'ont demandé de faire plus que ça, puis je me suis arrêté parce que j'en ai eu marre au bout de deux ans. Ouais, ça doit être surtout pop, là, Eurovision, si c'est les meilleurs vendeurs. C'est pop, variété, c'est très... Moi, je me rappelle, j'avais vu en 2001, j'avais vu la finale, c'était un Russe qui avait gagné. C'est encore eux qui ont gagné hier soir, d'ailleurs. L'incarnation des elfes qui chantaient en costume lycra serré. C'est de la folie. C'est un show de folie furieuse, fait n'importe quoi. Il y a deux ans, c'était un Allemand, il a grimpé en haut du rideau à genre 30 mètres de hauteur, il a mis le feu. On a dû le sortir, c'est tout de malade. Être un elfe en lycra, mon rêve. Il est possédé par le rock, lui. Exact. Toi, c'est quoi t'avais fait d'extravagant? On avait chanté La Voix est libre. Ouais, moi, j'ai rien fait d'extravagant. Je suis juste venu avec des running shoes et un jean, ça a pas plu du tout, parce que là, tu dois te mettre en beau costume avec belle cravate et tout. Puis, il faut que tu sortes du décor. Voilà, pour des raisons, j'ai pas trop aimé. Mais j'avais pas de costume, c'est surtout ça. J'ai eu les moyens de m'en acheter un après. Mais, oh. C'est qui décide qui gagne à Eurovision? Est-ce qu'il y a des juges? Est-ce que les gens peuvent appeler? Parce que tu sais ce que je crois? Moi, je crois que qui décide, c'est le pays qui veut faire de la publicité dans son pays qui a les moyens de le faire. Tu vois, la Belgique, c'est un tout petit pays, puis ils ont pas les gros moyens. Donc, il y a une fois une femme qui s'appelle Sandra Kim qui a gagné l'Eurovision pour la Belgique, et je peux te dire qu'ils ont dû payer un gros paquet pour l'organiser. Ils ont pas eu envie de le faire deux fois. Donc, déjà, les Belges, tu les verras jamais regagner une deuxième fois. Puis moi, je suis arrivé avant-dernier, donc je suis assez fier du fait. On était pendant les trois mois qui ont précédé ça, tous les pays d'Europe votent. Tous les bookmakers font des votes, comme sur les petits chevaux. Okay. Mais gros, gros, gros pari. Et on était dans les trois premiers pendant tous les trois mois. Et quand je suis arrivé à Dublin, parce que c'était en Irlande, à Dublin, que j'ai représenté ça, j'étais numéro un. Et donc, persuadé que j'allais au moins être dans le tiercé de tête, tu parles, j'étais avant-dernier, donc il fallait retourner la page pour me mettre deuxième, j'étais pas mal, quoi. Puis, je veux dire, est-ce qu'il y a une espèce de commission du pari qui fait sûr que les participants à l'Eurovision ne vont pas voter pour la défaite? Va-t'en savoir, mais c'est les paris comme sur un match de hockey, match de foot. Donc, il y en a beaucoup qui ont perdu, parce que vu qu'on était pas mal dans les suffrages avec l'Espagne, l'Angleterre et la France, ça fait mal à dire. et du coup, et ben voilà, en fait, on est arrivé vraiment avant-dernier, juste avant un aveugle, donc j'étais vraiment vraiment le tout fond du panier, tu vois. Mais bon, tu sais ce qui était pas après l'aveugle. Et on n'était pas exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a fait un coup complètement double pour moi parce que les Belges se sont vraiment révoltés de me voir arriver si loin que j'ai vendu deux fois plus de disques. Donc moi, ça a fait mon affaire et j'étais ravi. Quoi. Ah bon, ok, une espèce de capital pitié. Exact, capital pitié. Je fais toutes les shows radio, les gens téléphonaient. Oh, vraiment, on vous a suivi, c'était pas... Je me suis laissé aller à chialer pendant 6 mois. Bon. Voilà. Est-ce que ça explique ton exil vers le Québec? Écoute, figure-toi bien que oui, parce qu'après ça, j'ai fait une tournée à travers toute l'Europe où je suis allé chanter évidemment ma niaiserie de l'Eurovision, plus quelques petites chansons à moi que je plaçais par-ci, par-delà. Et j'ai terminé au Petit Champlain de Québec, dans le Vieux-Québec, à Québec. Et j'ai fait 4 soirs là. Il y avait Francis Cabrel qui chantait là. Et moi, je faisais l'ouverture de ça. Enfin, je faisais 30 minutes. Et l'accueil a été tellement sympa que je me suis dit... Ça, c'était en 95-96. Je me suis dit, le jour où j'en ai marre, ça ne va pas traîner. Je vais venir prendre mon chat, ma guitare et les 20 piastres qui me restent sur le compte. Puis je vais venir m'installer là. Et puis je suis parti en 2001. Ah boy. Je vous laisse derrière. Francis Cabrel devait être petit dans ses culottes. Oui, il n'était pas bien. Il a compris son métier ce soir-là. C'est là qu'on ne l'a pas revu après pendant un an. Mais il revient maintenant parce qu'il croit que je suis parti, mais je ne suis pas encore parti. Mais il revient doucement. Je l'ai entendu à la radio l'autre jour. Francis, watch out. Watch out, Francis. Watch out. On va parler des cailloux et de l'écoulement des eaux. Exactement. Et du grand arbre dans son jardin. Le caillou sur le chêne. Le caillou, le caillou. Ouais. C'est tellement ça. Oui. Sinon, c'est ça, dans le fond, l'Eurovision, c'est des juges là-bas qui décident du gagnant. Ça se passe, c'est quoi? C'est une seule journée, puis tout le monde part? Non, c'est comme 6 mois à l'avance. D'abord, c'est des juges dans ton pays qui te jugent, toi, quand tu fais une finale nationale. On est comme les 10 gugus de l'année qui viennent chanter dans un show live. De là, ils te jugent déjà, ce que je déteste, un concours de chant. Voyons. Ouais, bon, Alors après ça, quand tu gagnes ton titre, d'abord tu te fais 9,5 et puis toute leur famille et puis tout ce qui va avec. Donc déjà, tu sors de là, t'as pas beaucoup de copains. Ouais. Puis dans ce métier merveilleux du show business, qu'est-ce qu'on se fait comme bons amis? On le sait. Et du coup, après tu t'en vas. Et là, après, c'est tous les pays d'Europe qui votent pour toi. Mais tu sais, c'est très politique parce que un va vendre du chocolat à l'autre ou du pétrole ou ci ou ça. Nous, on a rien à vendre à part de la bière. Non, tiens, ils vont pas nous donner un point là. C'est... Non, mais c'est quand même pas mal. Mais c'est pas mal. C'est un bon début. C'est vrai, c'est pas mal. C'est comme Star Academy ça ressemble ça à Star Academy un peu. En fois mille. J'irai jamais. Ça fait du go. En plus, cette année-là, moi, je suis un gars assez flippé quand je monte sur une scène. Je suis un gars assez timide, malgré que j'ai l'air d'être un gars très cool, les mecs, on s'entend. Hein. Oui. Mais en fait, pas du tout. Et cette année-là, c'était la 40e anniversaire de l'Eurovision. Donc, il y avait au premier rang tous les gens qui ont gagné un jour, comme Julio Iglesias, Abba, le groupe Abba. Tous ces gens-là. Il faudrait justement les abattre. Ouais, il faudrait. Ah, c'est pas tout dit, c'est pas mal, Abba. C'est quand même des braves gens. On s'en fout, c'est des Moi, je vais pas fâcher avec toi, ils sont pas là. C'est des enculés, Abba, t'as raison. C'est vrai, quoi. Et puis, ils parlent pas le français, en plus, on s'en fout. Sinon, moi, je suis désolé de t'informer. Si on regarde sur Internet Movie Database, il y a une entrée Frédéric Etterlink. Oh, absolument. Et puis, je suis désolé de t'avertir que t'es moins 56% sur ton Star Meter sur IMDb. Est-ce que tu penses que c'est lié avec toi qui va commencer à Caméra Café prochainement? J'ai pas compris tout. Je suis moins 56. Ça veut dire que non seulement j'ai pas un poids, mais j'ai moins 56%. C'est-à-dire que je suis une vraie merde, quoi. Je sais pas. C'est quoi le site? Je suis même pas là-dessus. Internet Movie Database. Ah, je connaissais même pas ça. Je croyais que tu parlais d'un truc que si tu vas dans YouTube ou que tu vois un truc. Non, c'est la référence. Et tu vas me le noter, je vais aller voir ça ce soir chez moi et puis je vais me fâcher avec bien du monde. On en reparle pendant qu'on va écouter un petit extrait ici. Là, on va essayer de trouver une solution. On va écouter un bout de Batman se marie. On va revenir à 70%. Oh, la vie est belle. Ah, c'est sûr. Bien que sa vie de chasseur de criminels soit plutôt sans romance, Batman ne s'est jamais permis de penser au mariage. Car il sait bien, hélas, que le mariage lui apportera beaucoup trop de problèmes. Mais soudain, la chose arrive et Batman se marie. Oui, Batman épouse la charmante Callie Kane, autre chasseur de criminels déguisé, autrement dit Batwoman. Comment la chose est-elle arrivée? Tout ça vous est révélé au cours de la surprenante nouvelle aventure de Batman. Batman épouse Batwoman. Votre mari veut vous parler en bas. Venez par ici. Comment? À travers cette horloge grand-père? Quelle étrange entrée pour un sous-bossement. Montage. Montage. Ooh, it takes a montage. Montage. Ben mon nom c'est Jacques Chevalier, vous écoutez 70% à Choc FM. Là, si ça me prend une joke, je vais aller la chercher puis je reviens tout de suite. Le très, très cocasse et sympathique Jacques Chevalier-Longueuil. Pas Longueuil, j'ai tout le temps la déformation de dire Jacques Chevalier-Longueuil, mais ça fait peut-être 8 ans qu'il n'a pas repris ce personnage-là. Je sais pas, il habite ça encore là-bas? Non, même pas. Même pas? Ben, son numéro était dans le 514, en tout cas, quand je l'ai. Non, mais ça, c'est cellulaire. C'est ça, c'est des. Non, des arnaques, c'est parce qu'il a compris. Tu peux être à Longueuil et dans le 514. Exact. C'est beau, la technologie. Bon, ben, hey, là, faut pas oublier, on est à 70%. On a parlé des vraies affaires. Maintenant, on va parler des affaires desquelles on n'est pas obligé de parler. Ma mère, par exemple, on va pas parler de ma mère. Hein, non, parce que ma mère, du tout. La dernière fois, elle a parlé de l'humour quand vous lui avez dit des saletés. Là, elle a pas aimé ça. Non, je vais te faire ça à ta mère. Moi, j'ai rigolé parce que, bon, vous étiez trois. Mais ma mère n'a pas rigolé. Je dirais que c'était la mienne. Sinon, donc, le film de cette semaine qui a été choisi au douteux.org. Au quoi, déjà? C'est douteux.qc.cx ou le douteux.org? Douteux.org, ouais. Douteux.qc.cx, il n'est plus valable. Il n'est plus valide. C'est ça, on est au douteux.org. S'il vous plaît. Douteux.org. Douteux.org? Douteux.org. C'est ça. Je te le fais en français. Ouais, voilà. Il l'a fait en sapristi. Donc, Rush qui a été choisi ce soir. Rush, un film de 1983 réalisé par Tonino Ricci ou Anthony Richmond, dépendamment du côté de l'Atlantique. J'aime mieux Anthony Richmond, il est plus sympathique. Ouais, ça a l'air plus, parce que c'est pas le cousin de Lionel Richie, surtout. Oh, peut-être, hein, ouais. On sait pas. Sinon... De toute façon, c'est un con. Ce film met en vedette Luigi Mezzanotte ou Conrad Nicole, c'est encore une fois dépendamment du côté de l'Atlantique. Rush, c'est un des archétypes du post-apocalyptique personnel qui est pas mal à la base de la naissance de ce nouveau mouvement du cinéma ou en fait cette classification, si vous me permettez. On frôle le -8.5. Vous allez comprendre ma difficulté de trouver les mots pour décrire la chose. Je vais donc tenter de rester descriptif et objectif. Juste après cette tirade, ouch! Seul derrière la ligne de quarantaine anti-radiation érigée pour stopper les effets résiduels de la Troisième Guerre mondiale nucléaire, Rush, c'est son nom, survit en mangeant on ne sait quoi dans un désert radioactif dépourvu de toute vie. Au détour d'un banc de sable, il découvre un figurant qui ne parle qu'en monosyllabes. Après un combat aussi court que mal monté, Rush parvient à sauver une jeune plante, preuve récente que les radiations se résorbent. Souhaitant avertir tout le monde que la situation s'améliore, Rush se fait kidnapper par les hommes du boss des méchants, joué par le sempiternel Gordon Mitchell, qui n'a malheureusement rien à voir avec Cameron Mitchell, qui est un autre des papes du douteux. On va commencer à écouter les premiers extraits avant de passer à d'autres questions avec nos invités. Vous allez comprendre, ici, on a la petite mise en situation. C'est tout le temps pratique, hein, c'est parce que, tu sais, un prologue avec quelqu'un qui te parle voix hors champ pour te pousser de l'information qui savait pas comment passer. C'est parce que si tu mets juste une phrase hors contexte, on saura pas de quoi tu parles là, dans ton histoire. Mais même si tu mets pas de phrase hors contexte, prologue. On comprend rien de ce que tu dis, de toute façon. Ça, c'est parce que t'es belle. Ça doit être ça, ouais. Les lumières aveuglantes trouèrent l'obscurité du ciel, et des voix désormais inhumaines grognèrent angoissées. Les collines résonnèrent sous les coups de tempêtes furieuses, et de vastes crevasses meurtrirent la terre. Les énormes structures que l'homme avait créées s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Des coulées de feu et de sang coururent vers la mer, dans laquelle d'énormes montagnes se désagrégeaient. Oh non. Il n'y a plus rien à faire, même. Terrible printemps, ceux qui vivaient là moururent, tués par le poison que portaient les fleuves. La nuit substitua le jour et s'installa. Bien confortablement. Le jambon audiovisuel. Faudrait checker, mais je pense que c'est la même narration que Jésus-Nazareth. Mais la mort les fuyait. Oh non. Et voilà, c'est dans ce contexte que notre héros Rush évolue. Il est devenu grand, beau, fort, une période de l'adolescence très, très Je comprends pas comment il a fait pour grandir dans un univers radioactif. Il a pas grandi, tu sais. Il s'est peut-être pas grandi. C'est ça, il est peut-être né comme ça. Il est peut-être nain, en fait. Le mec, il est peut-être parti en arrière dans le sol, là, tu sais. On sait pas. C'est comme moi, j'ai moins 56. Puis pourquoi est-ce qu'il aurait grandi? Pour le savoir, faut aller voir les soirées douteuses. Hein. Ben oui, c'est peut-être un Français, en plus. Tu sais jamais. C'est trop. Sinon, bien sûr, là, on a le héros qui grandit dans un apocalypse nucléaire sans aucune explication. Et puis, ben là, on va avoir le méchant. Fait que là, les méchants vont nous expliquer le setting, le contexte dans lequel les aventures se passent. On a un extrait de petit 3 minutes. Là, vous allez voir, c'est tout beau. Ça. Le niveau des radiations à l'extérieur a diminué de manière étonnante. Hier, il est arrivé à un minimum de 0,075, pratiquement inexistant. Et voici les nouveautés. L'air n'étant plus contaminé, la terre a retrouvé sa fertilité. Un paysan des environs a découvert ceci. Vous êtes sûr de ça? Certain. Le mois dernier, j'ai ordonné à un de mes intouchables d'aller jusqu'à la zone mortelle pour y planter des grains conservés avant la guerre atomique dans des solutions spéciales, comme celles que vous tenez. J'ai été surpris du résultat et j'ai aussitôt donné l'ordre que tout, absolument tout soit détruit. Et il s'est passé une chose étrange. J'ai envoyé 5 intouchables. Mais quand ils sont revenus, il n'était plus que 4. Et l'autre alors? Il a été tué. Et j'ai idée de qui peut l'avoir tué. Je crois que c'est un homme qu'on a capturé hier, appelé Rush. Lorna est d'accord avec moi. Il donne l'impression d'être intelligent, en tout cas, et il refuse de parler. Oh, il parle de Sébastien Benoît. Il devait révéler le secret. Sébastien, que l'on peut vivre à nouveau à l'extérieur. Mais il a une mauvaise haleine. Ce serait la fin de notre règne. C'est pas bon, ça. Non. Il n'y a pas juste ça de mauvais, je pense. Faites en sorte d'éviter la chose. Il est isolé dans la galerie du condensateur. Peut-être qu'il ne sait rien. Mais vous devriez l'interroger. C'est votre spécialité, l'interrogatoire, hein, Yor? Il faut que je vous avertisse, Itek. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous êtes en train de devenir indispensable, ce qui veut dire trop puissant. Vous ne voudriez pas terminer décapité, non? Je plaisantais. Il est bon pour le mettre le monde à l'aise. Wow, quel joke. Wow, on est dans un porn des années 60, là. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que là, on va aller voir ça s'en va où. Hein? Je sens qu'il y a du fist fucking à cet endroit-ci. Non, alors, tu vas nous le dire d'où tu viens? Ah ben, il est ah ben voilà, je viens. La vie de l'heure est dangereuse. Croire que j'ai eu de la chance. Là, c'est la je voudrais te montrer quelque chose. Qui parle au héros. Regarde. Observe-le avec soin. Tu vois cet homme là-bas? Lui non plus ne se rappelait rien. Tu le connais, hein? Tu le connais? Ça ne rappelle pas. Ouais. Trop de pensées négatives. Il répondra pas parce qu'il te connaît pour vrai. Non, c'est pas ça. Non. Il était moins chanceux que toi. Quiconque te rencontre est malchanceux. Et les choses vont changer. Il est méchant. C'est chef d'œuvre. Allez-y. Ça n'a pas gagné un prix pour meilleur effet sonore, ça? Ouais, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là. Ouais. C'est Itaki qui s'est occupé de lui. Ces containers peuvent faire taire les espions à jamais. Je peux en commander un pour toi. Alors, tu le connais? Non. Continuez. Prenez le relais sur la tortue. Ce fou pensait qu'il était capable de me voler le secret de la vie. Que je suis le seul à avoir. Le seul, tu entends? Personne d'autre ne l'aura. Je pense que c'est là que le roi Enoch a pogné son impression. T'entends, peut-être. Ça serait dommage d'abîmer un nom contaminé. La fin va nous le ramener à la raison. Mettez-le au boulot. Je veux un rapport 2 fois par jour. Et voilà, donc, comme il n'a pas flanché sous la torture, notre héros Conrad Nichols, alias Luigi Mezzanotte. Ça s'en va droit aux Oscars, ça, c'est sûr. Ah, ça sent. En 83, il n'y avait pas grand-chose, fait que je sais pas si ça s'est rendu. Il y avait son cousin, son frère, papier, ciseaux. Il est fort, hein? Il est fier de lui. Je suis content, mais j'ai les lèvres un peu gercées. Ah bon, ben, sinon toi, Simon Predge, t'es non seulement celui qui a créé la première mouleuse du site douteux.qc.cx. T'es aussi le frontman de... C'est quoi? C'est Predge et ses employés du mois. Ouais, ben c'est parce que moi, je change de musicien régulièrement parce qu'à un moment donné, il stanne puis il décalisse. Okay. Fait que je suis obligé de changer de musicien régulièrement. Fait que là, j'ai décidé d'arrêter de changer de nom de groupe à chaque fois. Fait que là, ça va être ça. Là. Dorénavant, c'est les employés du mois. J'adore ça. Et puis toi, Dominique, à côté, t'es un de ces employés du mois-là. Donc ouais, moi, je suis back vocal et percussionniste. Et lui, comment ils vous traitent? Comment attention. Ouais, il est à côté de moi, fait je vais dire il est bien gentil, il est très gentil, Simon est très gentil avec nous. Non, ouais, il sait ce qu'il veut, puis il est vraiment il est très tight comme gars. Ah ouais? Ah, vraiment tight. OK, t'es-tu content de travailler pour lui avec tout ce que tu peux? J'adore ça, c'est vraiment cool. Ben c'est les idées qu'il y a, c'est vraiment le fun. C'est le fun, c'est quand il m'arrive avec une idée, puis on essaie de mettre ça, on essaie de sortir ça le plus possible. C'est vraiment intéressant, puis je trouve ça fait tout le temps vraiment des bons résultats. Voilà, un en même temps, créatif, on sent qu'il est en début de mois, hein, il est vachement cool. Il commence la saison. Ouais, il nous paye pas très cher. Si je savais qu'il fallait que je l'amène, lui, il allait me vendre mieux que moi. Ben, voilà. Simon Predge, toi, t'es le genre de gars qui a comme fait le site internet, fait l'album, produit l'album, fait ta publicité, hosté le show de lancement de ton album, fait le site autour de ton album, fait le film, fait le montage du film de ton album. J'ai tout enregistré ça dans mon garde-robe aussi chez moi. Ça, apprécie, man, c'est hot, pareil, là. De constater, moi, ce qui me fascine, c'est que t'aurais pas pu faire ça v'là 15 ans, c'est ça qui est... Ça, c'est sûr, je profite de l'évolution de la technologie à fond la caisse. Parlant d'évolution de technologie, c'est quoi tu penses des réseaux de distribution de musique au Québec, toi? T'as-tu envie de te frotter là-dessus? T'es-tu à recherche d'un agent? Ben, moi, j'aime ça me frotter à tout, là, c'est un de mes fantasmes. OK. Mais, Là, si je te dis industrie de la musique au Québec, c'est pas mal Renan Gélil, Guy Cloutier. T'as-tu encore envie de te frotter? Mais là, on a du droit de sacrer en onde. Ah, ben, tu l'as fait trois fois. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie tant que ça de m'avancer sur le sujet, considérant que je pense que juste le fait que je fasse ça indépendamment chez moi, dans mon garde-robe, puis que je le vende pas non plus, mon disque, que je le donne, je pense que c'est suffisamment en soi-même un statement qui dit à quel point je ne veux rien savoir des maisons de disques, à un point tel où ce que je n'en parle même pas, parce que je veux même pas leur en faire de publicité. Puis je préfère... Man. Non, mais je t'ai poussé à... Non, mais c'est... Ben non, mais ça, c'est pas grave, là. Je suis choqué tout à l'heure. Là. Non, c'est ça. Là, la page est tournée. On n'en parle plus. Ben je trouve que c'est mal géré. En fait, c'est toujours géré pour des questions d'argent. Puis à côté de ça, ben on prend pas assez de chance. On prend des chances avec des niaiseries. On oublie comme, beaucoup le talent. Ben c'est ça. Au Québec, côté, surtout, t'sais. C'est terrifiant, les boîtes de disques. Déjà, c'est le bordel en Europe et dans le monde. Mais au Québec, moi, en tant que Belge, depuis 10 ans au Québec... J'écoute même plus la radio, on entend les trois mêmes artistes. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Depuis 10 ans, j'entends... Sauf Choc FM, évidemment. J'entends La Pointe, j'entends Baume des Jardins et j'entends Pêcheur de Homard, là. C'est tout ce que j'entends. Mais c'est sûr que dans la pop... Puis on sait c'est qui, non. Il dit Pêcheur de Homard. C'est vrai qu'il nomme quand même du monde. T'entends que ça. C'est un Belge, on précise. Un Belge fatigué, usé, qui... Mais c'est vrai, non, c'est terrible. Mais c'est talent qu'il y a au Québec. Faut que ce soit laqué, poli, retouché, ce qui fait qu'en bout de ligne, on fait enregistrer des albums à Paris Hilton. Puis on ne sort pas, on n'entend jamais parler de ça. Qui on ferait bien autre chose en plus, il y en a du talent. Il y en a, puis il faut le dénicher. Non, aller c'est voir terrible. C'est épouvantable. Pour... Surtout qu'il y a beaucoup de talent au Québec. Beaucoup. Énormément. Beaucoup, et ces gens-là, ils ne sont pas aux bonnes places. Ils ne sont pas à la télé, ils sont minables, pas à la radio. Ils sont, voilà, sauf les radios universitaires. C'est à pleurer, voilà. C'est pour ça qu'on va rester une semaine. Voilà. C'est excellent. Non, mais c'est vrai, je veux dire, au Québec, on est une des rares places au monde à avoir un syndicat. Syndicat créatif. Alors, j'ai de la misère avec ça. Là. J'ai le Carl, lui, il fait une demande de subvention pour un film, puis le monde lit même pas, puis il donne son argent. Ouais. Puis, mettons, Newbie, qui est plein de bonnes idées, puis qui veut commencer, lui, il a 8 vestons cravates qui se demandent si c'est un bon placement. Et en même temps, il y a une union des artistes, c'est aussi très spécial ici au Québec. Ah, c'est... Moi, je trouve que c'est infect. C'est terrible. Ouais, ça devrait être... En même temps, si on veut s'en sortir dans ce milieu-là, je pense qu'il faut justement utiliser leur technique pour les écraser. C'est-à-dire, regardez, par exemple, Pierre Falardeau qui a fait ses films Elvis Gratton, qui constamment défèque visuellement sur le libéralisme canadien. Oui. Et à la fin, dans le générique, on voit qu'il est financé par le Canada. Mais je pense parce que le Canada n'a pas compris aussi. Ils sont comme trop caves. Les autres pensent vraiment que c'est un film pro-Canada. Ouais, à ce point-là, c'est seulement les Québécois qui font comme... Ou peut-être en même temps qu'on respecte tellement la démocratie et la liberté d'expression qu'on paye pour du monde qui n'aime pas ça. C'est comme dans tous les pays du monde, tu vas aimer ce qu'on te donne, et puis on te donne trois chansons ici depuis 10 ans, donc tu vas écouter que ça, tu connais pas même le reste. Et puis ce qu'on donne, c'est la merde. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, parlant de la prochaine chanson, je pense qu'on va mettre ça tout de suite. Hein. Fred, présente-nous, s'il te plaît, l'album que tu nous as amené. Alors, écoute, il s'agit d'un gars qui s'appelle Dick Hanegaarn, c'est un Belge, mais en Belgique, il y a les francophones, qui sont les Wallons, comme moi, et il y a les Flamands, dont il fait partie. Donc déjà, on s'entend pas, les Flamands et les Wallons, hein, mais c'est rien comparé aux Français et aux Belges. C'est carrément de la cousinerie. mais c'est un des plus grands artistes. Ce gars a marché sur une seule chanson qui s'appelle Bruxelles, qui est ma ville. Et c'est magnifique, c'est à découvrir. Donc on écoute Dick Hanegaarn et Bruxelles. Et Bruxelles. Et on vous revient à 70% pour parler des vraies affaires. Là, Fanny, il va falloir que tu t'approches parce que je suis sûr que t'as une voix sensuelle, que ça va être la fun de l'enregistrer. Ouais, tu vas regretter ce que tu as dit si Fanny et commence. Fanny. Okay. Et voilà, je pense qu'il est. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit. La candidate conservatrice dans Hall Elmer a dévoilé ses priorités aujourd'hui lors d'une première rencontre avec la presse. Pierrette Bellefeuille souhaiterait la construction de logements à prix modique dans la circonscription et la réalisation du Rapibus. Elle promet également un meilleur développement touristique de l'Outaouais. Voici à ce sujet un extrait d'une entrevue que Pierrette de Bellefeuille a accordée à notre journaliste. Il faudrait travailler avec la CCN pour développer des projets touristiques. C'est ça. Comme quoi, par exemple? Bien. Comme quoi? Ben, des projets touristiques. Faudrait regarder à ça, là. Mais est-ce que vous y avez déjà pensé? Écoutez, je dois quitter, alors je vous remercie beaucoup, madame. Est-tu content, Pierrette? Elle est là pour la démocratie. Ah ouais. Salut Fanny, dis un mot. Ah voilà, elle est là. C'est Fanny, je vous présente Fanny. Fanny, Miss Fanny. Dans le Fanny! Dans le assistante. Dans le Cluedo, Fanny, l'assistante de, d'un gars qui a une mémoire de poisson rouge. Et de deux Polonais sur leur tour. Et donc voilà, Fanny, Miss Fanny. Elle était la figure de Miss, je sais plus comment, dans le, elle était le mauve dans le Cluedo, le clou, le, tu sais, le jeu, le clou. Ah oui, voilà, c'était c'est elle, moi. C'était ah, elle, bon, le petit pion mauve, le petit pion violet. Parce que je m'aperçois que mauve, on a peut-être jamais entendu ce mot-là. Ah, ben, prochaine fois que je joue avec Lou, je vais te saluer. Ah, ben, ouais. Et elle a eu une petite relation avec le colonel Moutarde. Ah, c'est mal passé. Du coup, je l'ai reprise. Et puis, depuis maintenant 10 ans. Voilà. Mais, ça s'est soigné pas mal, en fait. J'adore. Ben, pardon, hein, je ris pas du. J'espère que les blessures émotionnelles du passé ne sont plus que des souvenirs ont rendu Fanny quelqu'un de plus puissante et de plus solide intérieurement. Exactement. Je sais pas si c'est puissante, mais je la regarde en ce moment et je pense sérieusement à remplacer Dominique, mon représentant. Oui, oui. Temps, là, tu devrais, okay. Hein? Tu devrais? Je fais un spécial en ce moment, je suis presque prêt à te le reprendre. Sinon, est-ce que Fanny est clonable? Comment? Est-ce que Fanny est clonable? Elle est clonable, et d'ailleurs, non, on l'a clonée plusieurs fois, mais clonable, pas en 3D. C'est-à-dire, on peut la cloner en papier mâché, collé au mur. Ah. Non, je ne suis pas clonable, on ne fait que me regarder. C'est vrai. Mais j'appartiens à monsieur ici. C'est vrai. Et oui, malheureusement, j'ai mis le gros prix à l'époque où j'avais. maintenant, je suis un peu sur le retour, donc elle me le rend bien. Je dois dire, du professionnalisme à l'état pur. Et voilà, quelqu'un de satisfait. On peut dire, c'est comme Jared et ses AIDS, finalement. Ça. Ouais. Je précise aussi qu'on a loué une voiture pour venir. Vous l'avez pas vu, mais c'est juste pour le shot ce soir. On avait loué une voiture. Pour faire big shot. C'est juste pour faire big shot. Bon, on va sortir avec toi tantôt pour aller la regarder. Oui, mais je l'ai jusque 20h30. Il faut qu'on se mette. Ah, pas de seul, moi j'ai mis des sous-vêtements propres. Non, je demande juste pas dégueuler ni chier dans le coffre, c'est tout ce que je demande. Pour le reste, on fait ce qu'on veut. Moi, j'étais content, en fait, que ce soir, on ait Simon Predge qui s'est, comme j'ai dit tantôt, débrouillé pour faire son album lui-même, tout seul, à sa façon. Et puis, ben, quelqu'un de l'autre côté qui est passé un petit peu au travers de l'industrie, puis qui en a sorti ce qu'il avait envie, puis qui continue à faire ce que ça y tente. C'est quoi Yaka Music? Alors, Yaka Music, c'est... C'est un ami à moi en Belgique, encore un Belge, les gars, désolé, qui a créé ce site. Ah, j'aime bien les frites belges, et ça me dérange pas. Et ça va, oui, non, c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde pour commencer. Mais toi, ça va te plaire, Yaka Music. Tu vas checker ça parce que, justement, ras-le-bol de toutes ces boîtes de disques et de ces rendez-vous à la con. Moi, juste une anecdote, un jour, la première fois que je présentais mon premier album dans une boîte de disques à Paris, je suis tombé sur un directeur artistique qui devait avoir 22 ans. Je dis pas que j'étais bien plus âgé, j'en avais 24-25, mais j'aurais pu être son père. Et je les connais bien, il devait être un cannibale en plus. Oui, en plus, c'était un cannibale, un truc bizarre, mais en même temps, fuffy. Et donc, là-dessus, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'aimais l'idée éventuellement de reprendre une chanson de Brel à ma manière. Et le gars me dit de qui ? J'ai dit de Brel. De qui ? De Jacques Brel. Et le gars savait pas qui était Jacques Brel, puis il était directeur artistique chez EMI en France. Tu sais, voyons donc. Et c'est le frère de Francisca. C'est Francisca Brel. Absolument. Ouais. Mais c'est un truc, c'est pas de la même mère en fait. Ah d'accord. Il y a un animal quelque part. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de tous ces artistes qui en ont ras-le-bol d'aller tendre le cul dans ces maisons de disques et de se faire écouter, parce que c'est toujours le même cinéma. Le gars, il prend ton disque, il écoute même pas l'intro, t'as même pas rentré les voix. Dégage. Voilà exactement ce que tu entends. Ça, c'est quand t'as jamais fait une télé, jamais fait une radio, que t'es juste pour eux une merde. Alors du coup, mon copain Michel, il a monté ce site Yaka Music pour justement tous ces artistes qui veulent mettre leurs démos, leurs chansons et. Tout le monde devient producteur de ton truc. C'est-à-dire que tous les gens qui apprécient ce que tu fais, et d'ailleurs tu vas certainement être sur Yaka Music dans pas longtemps parce que je vais t'en reparler, viennent voter pour toi, mise, et 1 euro, c'est comme 5 unités ou 10 unités, je sais pas exactement. Et les gens votent, ils écoutent ce que tu fais dans le monde entier, puis ils votent pour toi. Et quand tu arrives à un plafond de 10 000 ou de 15 000 ou de 50 000, on te produit tout l'album complètement financé par un studio en Europe ou ici, où tu veux, eux te repayent. Et ça fait que tu es maître de ton affaire jusqu'au bout et que tu dis fuck you les maisons de disques, voilà. Et ça, c'est super, il y a qu'à musique. Et d'ailleurs pour ceux qui écoutent ce qu'on est en train de raconter, Yaka Music, faut vraiment aller checker ça. Et moi, j'ai découvert des. C'est quoi, t'es YAKA Yaka Music, YAKA Music avec un C.com. Voilà. Ne pas hésiter à aller dans Etherlink et de mettre vite, vite un petit $100 en passant. Et ensuite, on va écouter les autres. Mais vite, là. Mais vite, vite. Hein, j'accepte les 25 aussi. Hein, mais pas les 25 sous. Mais par contre, à surveiller. Et puis, voilà, à aller voir et mettre ta musique dessus parce que c'est les gens cool qui vont écouter ça. Et beaucoup de gens dans l'industrie. Ah, ben, s'ils sont cool, je veux bien. Il y a moi aussi. Mais j'écoute. Mais il y a aussi beaucoup de gens de l'industrie en France et en Belgique qui écoutent ça. Et si ça leur plaît ce que tu fais, ils te prennent à la radio et puis ou ils te font faire un shot parce que ça leur a plu. Ils t'ouvrent la salle gratuitement et tu fais un show un soir dans une belle salle parce que ça leur a plu. C'est vraiment super. Puis t'as pas voilà, c'est tout cool. Les gens ils votent pour toi puis tu peux voter pour toi aussi. Mais si tu votes pour toi, je fais pas ce genre de choses. Moi, je mise pour moi. Il y a personne qui a jamais misé. Moi, je mise tout pour moi. Non, moi, à la place, je demande à Dominique de le faire. Oui. Je vais le faire avec plaisir. Oui, c'est sûr. En fait, tu devrais le payer comme ça, en te repayant. Je le paye avec la pizza et de la bière. Ouh, c'est bien trop. C'est comme ça que j'ai payé tous mes musiciens sur l'album, entre autres. Ah bon? Pizza et bière. On attend encore la bière. C'est juste un verre d'eau, maximum. Juste un verre d'eau. Moi, je paye pour travailler pour lui. Bien sûr. Il y a tout un travail à faire. Je pense qu'il faut qu'on reparle du show business. De merde. Simon, échange-moi, je vois pas la peine. On n'est pas super quand même. Parlant de show business, on s'est rendu compte qu'on avait un ami commun en la personne de Hubert Mention. Absolument, Hubert Mention. Le grand Hubert Mention qui a écrit trois très très très chouettes, très chouettes livres. Est-ce que tu as lu son livre, Le guide de la survie pour les Européens à Montréal? Absolument, mais j'allais te dire, je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Pour une simple raison, j'en ai déjà un de livre, donc j'en lis pas d'autres. Donc j'en avais déjà lu un avant, donc celui-là j'ai dans. Je chahute, c'est ma phrase habituelle pour dire, m'offre pas un livre pour mon anniversaire, j'en ai déjà un. Je suis pas un grand littéraire parce que j'ai un grand-père qui est un prix Nobel de littérature, donc ça m'a niqué la littérature depuis la naissance. Mais oui, son livre sur les Européens et sur le Québec, et sur, c'est un guide merveilleux pour n'importe quel tocard qui vient ici puis qui ne comprend pas qu'il y a de la... Comme genre le mot « tocard ». Comme genre le mot autocar, comme un enculé, comme un Français qui viendrait, qui pigerait pas bien, mais il lit ça et avec ça, il va comprendre ce que c'est une place du dollar et, et une poutine. Est-ce qu'il y a un vol direct entre ici et Bruxelles? Je ne le souhaite pas, mais oui, bien sûr. Il y a Air Transat qui fait Montréal-Bruxelles en direct. Oh, ça doit te rendre heureux un peu. Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que moi, je bifurque par les États-Unis. J'aime bien la complication, donc je fais On vient de trouver une faille. Je crois qu'il y a McDonald's. Non, il y a un vol direct et je vous conseille tous d'aller faire un tour à Bruxelles et d'aller bien vous déglinguer la gueule. Et surtout d'éviter de passer par Paris à croire que vous allez voir quelque chose qui est un obélisque, qui est une tour et l'Arc de Triomphe et une tour Eiffel. Vous pouvez juste vous la planter où je pense. Mais on sait de toute façon que les Parisiens sont tous dépravés. C'est pas une bonne idée. Voilà. Ah, ben, pardon, messieurs, madame, mademoiselle, miss. Je vais reparler un petit peu de Rush, le temps avance. Pas trop, parce que j'ai plus trop de temps, donc vas-y. Fais ça rapidement, synthétique. On se retrouve donc grâce à la magie du cadreur et le génie du réalisateur Richmond, prisonnier aux côtés de Rush dans un camp de travail forcé. Il y travaille la Terre radioactive, s'y fait des ennemis, des amis, puis devient l'espoir de l'humanité. Faut dire qu'il se trouve deux motivations dignes des films que j'écoute. La vamp du dernier boss est en fait une espionne des gentils. Et puis, finalement, le boss des méchants a jadis tué le frère de Nicole Smedzanotte. Oh, le porc. C'est post-apocalyptique, 2 points. À un moment donné, après la Troisième Guerre mondiale nucléaire, les quelques survivants de l'humanité vivent en petits groupes, souvent barbares, qui se retrouvent en compétition pour de l'eau, une source d'énergie et des femmes fertiles. Cause personnelle, 2 points. Lorsque la motivation du héros est de source émotionnelle très proche, frère, sœur, petite copine, mère, père, un de ces individus aura à souffrir pour que le héros décide finalement d'assumer sa position de vecteur d'action, de développement et de sens qui est le principal du long métrage. Rush, donc, est un survivant de l'apocalypse nucléaire et habitant solitaire d'un monde dévasté par les radiations. Il se trouve une cause juste lorsqu'il apprend que le boss des méchants tente d'étouffer le fait que la vie renaît à l'extérieur de la clôture. Oui, c'était un sale de la clôture petit... de broche à poule, c'est un sale petit con, quoi. Oh oui, ben oui. Et puis, bien sûr, la cause devient personnelle lorsque Rush découvre que le boss des méchants a tué son frère. Post-apocalyptique. Je l'avais même pas vu venir. Non, moi non plus. Personnel. Fanny, il va falloir qu'on aille se louer ça. Donc là, je vais peser plein, on va écouter des extraits. Vous allez voir, on est dans le camp de travail, on est torturé, ça souffre, c'est pas beau. Ah, je vais aimer ça, moi. Ce roche, quand même, c'est pas un petit fluffy. Ah, Luigi, il a son petit sourire. Avis, oui. Tu peux venir ce soir au Brouhaha, Fred. Je vais adorer ça. Regarde, regarde, regarde, la tech, ça va passer. J'ai amené plein de nouveaux projets. Et là, fais ton travail en silence. Ou lui met dans le brin. Il est interdit de parler ici. Interdit. C'est clair? C'est valable pour toi aussi. Ok, ok, ok, je me tais. C'est de la torture du camp de travail. On peut s'en faire. Ah, je pensais que c'était un clip d'aérobie. Si tu veux porter des comme les miennes, touche-la la moins possible. Il y a des gars ici qui hurlent toute la nuit des blessures provoquées par cette terre. Mais on réussit à survivre? Difficile. Si tu es fort, environ 2 ans. Moi, je fais exception, j'étais déjà vieux quand ils m'ont pris. Je suis immunisé dans un certain sens. Et je suis ici déjà depuis 10 ans. J'en ai vu des jeunes qui ont disparu mangés par les radiations. Et personne ne se rebelle? Tu en poses des questions, dis donc, toi. T'es un espion ou quelque chose de genre? C'est l'autre qui est allé. Ah oui, j'ai fait un suspect, moi, alors qu'est-ce que tu penses du gars qui est derrière? Il n'a pas perdu un seul mot de ce que nous avons dit. Oh, c'est un laser. Tu parles de style. C'était dans le futur, il y a des lasers. Ce n'est pas ce que tu crois. Il est très résistant et musclé, alors il veut être notre leader. Tout le problème est là, en réalité. C'est que personne ne se rebelle. Écoute, fiston, vivre ici n'a rien de très gai, mais au moins on bouffe à notre faim. On vit pas très vieux, mais au moins on arrive à vivre. Il n'y a rien à croquer dehors, et en plus tu meurs de la contamination. On sait tous. Je pense qu'il a lâché sa colle. Ah oui, je pense que oui. Ça s'en vient, on l'entend. Change pas de main, l'extérieur, la vie a repris. Les plantes commencent à repousser. C'est très romantique. Ah, je suis un poète. Il n'y a plus de contamination. Et qu'est-ce qui se passe ici? On parlotte? J'étais en train de lui expliquer comment traiter les racines. Il vient d'arriver et il ne connaît pas le travail. Oh. Oui, d'accord, mais faites vite. Oui, monsieur le garde. Oui, monsieur le garde. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Rush, j'ai pas mal d'extraits à faire écouter, mais là, il y a tellement de monde à jaser. Je pense qu'on va en couper. Je vais mettre juste un petit bout ici d'une chanson, puis on va finir l'émission en parlant avec les amis. Là. Ceux qui veulent voir Rush au complet, moi, je fournis des versions. Si vous en voulez une, vous venez chez moi, vous venez la chercher. On est-tu obligé de venir chez toi? Je peux l'envoyer. Non, mais j'en donne gratuitement des versions de Rush. Un excellent film. Sinon, ben, il y a au Brouhaha ce soir, 58-60 de Lorimier. Là, on a des beaux projectiles. On va pouvoir les lancer dans l'écran quand on se sent insulté. Il y aura de la drogue? De la bière, pas mal. C'est une brasserie artisanale. Ouais. Là, ils font de la bonne bière. C'est un amateur de bière, tu vas aimer ça. Il y a de la calumet, de la bière fumée, à goût de fumée. Pis tout, c'est vrai. Fait qu'on va écouter Marek qui est correct, puis on revient finir l'émission. C'est un gars qui parle pas ben gros. Mais 5-6 vodka et puis 7-8 kilos. Il te raconte sa vie qui se résume en ses mots. Y'a rien comme un bon verre de scotch. À 4 heures du matin, c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, pis t'as même plus de pilote. Bonjour, vous êtes à 70%, c'est plate, changez de poste. Incroyable, c'était Homer Simpson qui nous a fait un indicatif. On avait parlé à Hubert Gagnon jadis, puis il nous a fait un indicatif avec la voix d'Homer Simpson qui dit 70% si c'est pas beau. C'est chanceux. C'est professionnel. Ben oui. J'ai pas un mot à dire là-dessus. Hein. J'aimerais tellement ça qu'il y aurait juste mon répondeur. Oh. Donc, on est rendu aux indicatifs. On a plein d'invités. Fred, c'est quoi j'ai tu qu'un mot à te dire. Je vais te parler d'un grand pote à moi qui s'appelle Cornelius Rooster, qui fait partie de l'équipe de Kellogg's et qui est un véritable ouragan sur la glace, comme en dehors. Imagine le petit dégueulasse que ça doit être. S'il s'est fait traiter de poule mouillée, ça voudrait dire de petite tarlouse. Dans son jeune âge, il ne se laisse plus intimider aujourd'hui. Il est devenu le premier coq de la NHL. On le sait tous, on parle ici de hockey. On parle de hockey, ben oui. On parle de hockey. De hockey ou de hockey? Hockey. Hockey. Ah, le hockey. Je ne connaissais pas. Il est connu pour sa capacité à voler autour de la défense comme si il avait une vue circulaire de toute la patinoire. Cornelius, à part être un petit abruti, donc Cornelius attribue son succès à un bol de Kellogg's Cornflakes qu'il prend chaque matin en se levant, mais je crois qu'il n'oublie pas de se masturber derrière la porte de la salle de bain, car c'est un petit porc avant tout. Ah. Je comptais cette petite histoire avant de partir parce que je la trouve touchante. Et j'aime bien qu'il y ait deux, trois gouttes sur le carrelage. Oui, oui, ben j'avais jamais cru ça du coq de Kellogg. Voilà. Ouais, eh bien, ben c'est oui. Un petit cochon. On l'apprend tous les jours. Il est pas comme ça. J'étais sûr qu'il était pas comme ça. Non, pourtant, il a fait ça 22 buts, 32 passes en 8 games dans la NHL. Ça, ça change rien. Ouais, et puis, il m'arrive même pas au genou, là. C'est un coq. Un pied 8, man. C'est un petit coq, ouais. Un petit coq. Merci beaucoup. Mais tu sais que le coq est français habituellement. C'est pour ça que j'ai rajouté un peu de fantaisie. J'allais pas te mettre. Ouais, mais les Français s'approprient pas mal tout. Fait que. C'est vrai. C'est vrai. Amène pas ton poulet chez un Français. Tu mangeras pas tous les jours, là. Ben, Simon Prêt, j'ai un indicatif, s'il vous plaît. Simon est parti. Ah, j'écoutais pas. C'est quoi ça? Ben, tu... ah ouais? Ben, coudonc, je vais vous parler de Cornelius Brewster qui fait partie de l'équipe Kellogg. C'est un véritable ouragan sur la glace, comme en dehors, évidemment. S'il s'est fait traiter de poule mouillée dans son jeune âge, ben, il se laisse plus intimider aujourd'hui. Puis il est devenu le premier coq de la NHL. Ouh. OK. Votez pour votre version préférée. Est-ce que c'est celui qui se masturbe derrière la porte? Exactement, exactement. Ben, il est très connu. Juste aussi pour sa capacité de voler autour de la défense comme s'il y avait une vue circulaire de toute la patinoire. Il attribue son succès à un bol de Kellogg, mais en fait, on sait tous qu'il est sur la mescaline. Ouais. Ou alors qu'il a un œil dans le cul. Ah, aussi, aussi. Voilà. Ça peut arriver. Frédéric Etterling, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci à toi. Grand plaisir de t'avoir ça rencontré. C'était sympathique d'être bienvenu dans le futur. Si jamais... Je suis là tous les lundis. Maintenant, je sais qu'on peut parler de choses sérieuses. Bon, ben voilà. D'être bienvenu. Dominique, représentant. Continue ton bon travail. Merci beaucoup. Un plaisir de tout. Enfin, profite de ton mois, tu veux dire. Ben oui, parce que le mois est presque fini. Là. Oh, on va changer de représentant. Là. Bon, lâchez mon chômage. C'est une histoire qui part bien. Là. Je sens que ça clique bien, cette histoire. Pas de lesbianisme. Ben là, si tu commences par enlever sa main dans mes culottes. Ben voilà, voilà. Simon Prêt, je parle-moi du site internet ou dans nos l'album. Mais regarde, tout simplement, mon lancement, c'est fait tout sur mon site web. Il y a une vidéo, un spectacle disponible d'une heure sur le site web que vous pouvez regarder en entier. Il y a le CD que vous pouvez downloader au complet du site web aussi. Moi, je donne tout! Je donne tout! Non seulement c'est vachement bon l'adresse. Merci. Il y a une critique de Belle, puis c'est positif, ça va-tu bien? L'adresse, www.predge.qc.ca. Ça, c'est l'adresse de ma mère, ça. Tu donnes pas l'adresse de ma mère. predj.qc.cx. Restez en ronde, parce que juste après, c'est Dans ta bulle qui prépare une émission de la base. En fait, 24 heures de la bande dessinée le 31 mai prochain. Tu es un fan de bande dessinée. La bande dessinée. J'ai créé la bande dessinée. Et je ne peux rien dire d'autre. Ah, ça, j'ai dit. Ça merci d'avoir écouté 70%. On va libérer on le studio rien pour écouté. Les prochains. Ben, sinon, moi, je vous laisse avec un excellent extrait. C'est Yéhou, là. Yéhou. Je vais hurler pendant ce temps-là. Ça va passer le temps. Ah, non. Bonne soirée. On a écouté 70%. Merci beaucoup, tout le monde. C'est Norman Pinal, juste avant, on va d'abord vous présenter. Il y a des gens d'Europe là, qui vous écoutent peut-être pour la première fois. Vous avez une longue expérience dans la communication qu'on appelle du supramental. J'ai une longue expérience dans la communication de ce qui s'appelle Norman Pinal. Parce que le supramental, c'est pas quelque chose que tu décides à un moment donné dans ta vie. C'est le supramental que tu viens au monde avec. Et tu es extrêmement différent, puis tu sais pas pourquoi. C'est une sensibilité qui est différente. À un moment donné, il y a des mots qui peuvent se placer là-dessus qu'on peut appeler supramental. Comme d'autres peuvent appeler ça d'autres mots. C'est la raison pour laquelle les mots, mais pour moi, c'est toujours des M-A-U-X. Je suis ce que je suis. Là. Je suis peut-être Popeye, le vrai marin. Je ne sais pas qui mange les épidermes. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à ma naissance, déjà là, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et il y a probablement plusieurs personnes aussi qui ont vécu ça, c'est t'es différent, point final. T'es un petit peu, beaucoup, puis extrêmement différent. Et t'as une sensibilité qui est différente. Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi est-ce qu'on parle de supramental? Parce que c'est mental, ça veut dire que c'est dans la pensée, c'est dans... Pour moi, ça demeure un mot. Mm-hmm. Oui. Pour moi, ça demeure un mot. Que ce soit supramental, ça demeure un mot. L'important pour moi, c'est qu'est-ce que ça va donner dans la vie d'un individu. Et c'est toujours le fruit de l'arbre qui m'intéresse. C'est pas l'arbre, c'est le fruit. Et ce que ça va apporter dans la vie d'un individu. Plusieurs pensent que dans la vie, on a besoin de deux téléphones. Un sans fil et un résidentiel. Contrairement à votre ancienne compagnie téléphonique, Fido a réuni les deux en un seul appareil. Le nouveau service Fido Uno. Il détecte votre réseau Wi-Fi et vous permet de faire des appels locaux illimités de la maison. Ajoutez-le à n'importe quel forfait pour $15 par mois. Fido Uno. Une autre raison pour laquelle nous sommes le service sans fil le plus apprécié. Visitez un magasin Fido ou Fido.ca pour tous les détails. Choc FM présente les 24 heures de la bande dessinée en collaboration avec la librairie Monet, une initiative de l'émission Dans ta bulle. Du 31 mai midi au 1er juin midi, les locaux de Choc FM accueilleront une quinzaine d'auteurs professionnels qui seront invités à créer un album de 24 pages en 24 heures. Pour suivre l'action en temps réel, écoutez la chaîne principale de Choc FM et visitez le www.24hbd.choc.fm. Vous écoutez Choc FM. Lundi 26 mai, vous écoutez l'épisode 42 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM.